Bonsoir. Bonsoir. Il est à peu près 21h et c'est Nuisance. À peu près 21h et c'est Nuisance. Je vois la chose accumulée dans l'absolu de la chose ainsi. Je suis là. Je suis la voix qui semble accoucher d'un monstre de sympathie. Ainsi que la vie va à l'envers, vers un revers, et un devis plus tard. Que je sois celui qui meurt de tout, ainsi que la foi qui vient à l'envers. Je suis la chose. Les choses commencent à m'éveiller. I see you.

bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Radio spéciale, pas dédicace. Pas de dédicace ce soir. Est-ce que le cœur Ok mon gars sûr, tu connais mon si. Gars qui blesse, mon gars, ok. Dur. La vie, yeah, c'est sûr, yeah. Tu connais. Ah, au retour ouais. Sur Canal, c'est... Hey, ça commence, Canal Sud. Nuisance. Et ouais. 100% spécial rap hip-hop. Yeah. Ok. Si. Excusez-nous si on est un peu pourri parce que t'as vu, Canal Sud. Le monde débute quelque part, tu vois. Fuck. Bah nous on débute. Et on va vous montrer c'est quoi. On a new school, old school. Ouais. On va inventer une version new cool même. Fuck. Motherfuck man. Ok, viens pas de tester Batman. Tu connais mon ami. Et ouais, j'ai la lyricale. Je fais mon gros amal. T'inquiète, j'ai les punchlines, mon ami. Je prends pas des lines de cocaïne. Tu connais mon ami. Et ouais, je fuck ces ratai. Mon ami. Et ouais, j'ai la punchline, mon ami. Pour ces putains de Batman. Ok, je fuck tous ces bâtiments. Ce qu'il me faut, c'est de la monnaie. Et ouais, faire des billets, tu connais. Fumer un peu de qualité. Au bledy, tu connais. Penser à la famille. Et ouais, trop de sensi, mon frère, trop de Nesby. Et ouais, trop de qualité ici. Et ouais, viens pas tester. Et ouais. Ok. Y'a ces Jedi qui vient de diquer des cartes de 121 en mode racaille. J'arrive en bolide solide, pour ça je m'aime pas, je tuto, je fume ta putain de consent comme je. Oh, bitch, ta mère la chaîne, excuse-moi, bro. Oh, let's go, j'arrive, je vais baiser les tigers. Ces Jedi, ma flow fait danser le gétal. Trop lourd sur tes lèvres, j'ai reconnu mes putains de likes sur tes yeux. Non, négro, j'suis pas à ton niveau. Déjà, nous, tu l'enterres jusqu'à non, t'es retourné à l'école élémentaire primaire. Fuck, gueule, célibataire, des. Fait peur toujours à l'ego. Eh ouais, toujours à l'ego. Eh ouais, négro. Oh, ok, on a toujours l'écro, mon frère. Tu connais l'instrumental. Elle est trop fatale. Oh. Elle est trop sale. Elle est trop mal. Oh. Elle en met deux, trois. En mettre contre une suspension. Oh. Eh ouais, mon frère. En mode pas des pions. Oh. T'inquiète, pas de mouton. Nique sa mère, on dit tout. Eh oh. Ouais. Moi, je commence à péter les plombs. Bow, ouais, on est à la radio, tu connais, on peut parler. Let's go. Ok, y'a des attaques dans mes écouteurs. Ok, des attaques dans mes écouteurs. Pussy ass nigga, red and black, pussy ass nigga, fuck bitch, pussy ass nigga, don't give a fuck, how I'm today, black freaking nigga, come in your hood, bang killer, I'm a young fresh killer, I'm a dangerous boy killer, I'm a young fresh killer, I'm a rasta b-boy gangster, look at me bro, you shut the fuck up, get up my way nigga, oh nigga, don't talk nigga. Bitch. Oh. Bitch. Oh. Bitch. Yeah, fuck bitch, cunt, pussy wipe, licking ass. The whole fucking time. Oh, the whole fucking time. God damn. Motherfucking time. The whole fucking time. Fuck that, ok, let's go. Yeah, j'arrive sur la fin, j'te baisse, boy. Ok, c'est Tidai, t'as reconnu ma putain de flow. Ouais, j'arrive en polyte, solide, excuse-moi, bro, c'est Tidai de DK, 221 en mode racaille. J'arrive, je t'explose, j'te dois, je fume ta putain de gozo. négro. Les jaloux, je les enterre jusqu'à Nanterre. Retourne à l'école élémentaire, pépère, déterre. Fuck girls, célibataire sur l'instru. Je fais du sale, je fais du mal. Toujours al négo défoncé, al négo canal sud. Soir, ce tu pas clean, garçon. Mets du glaçon dans mon whisky jean. Yo, tu te mesures à la taille dans mon jean. Ouais, plus 3, Mirabelle, Fontaine, Bagatelle, Ampalo, Rédéré. Où sont toutes les cités dans ma cité? Posé, ça fait tirer, tirer, tirer, bitch. Oh, bitch, ça fait tirer, bitch. Oh, bitch, et ça fait teaser, bitch. Oh, faut pas tester, c'est T-Time, MD. Tu connais mon ami, tous les jours, ma vie c'est du lourd. Ici, ça pète dans ta tête, pour des business de tête. Histoire de dealer, de braqueur, d'arnaqueur, qui foque les inspecteurs. Mon frère, moi je me présente, je m'appelle MD. Tu connais sa catcher, teur, mon ami. J'ai les punchlines qui décalent. De mettre al sur l'instrumental. Je mitraille et je défouraille en esquivant tous ces ratailles. Tu connais mon ami, sinon à part ça, qu'est-ce que je pense du putain de gouvernement et ces politicos qui blablatent pendant qu'un mes frères se mettent en mode rabat. Dans mon 9 c'est 4, mes gars t'éclatent. Si si c'est la thug life, tu connais la ville, la street. Au fait, on veut faire des billets pour sortir nos mères de ce putain de terre quotidien. Tu connais, ici on est en chien, mon ami. Mais t'inquiète, on fera en sorte de pas finir galérien. Comme ces pauriens de babyloniens qui laissent rien. Pour mes africains, pour mes algériens, pour mes guadeloupéens. Et bientôt même pour leurs européens. Ça va péter, ça tout le monde le sait. En attendant, on fume la 2D qualité. Avec mes guerriers pour déconstresser. Pas trop s'énerver contre ce système qui nous fout la haine. Certains se mettent la coke dans le zen pour fuir les problèmes, les dilemmes. Et ouais. Qui nous fout la ken. Alors, salam alaikum, je fais le système. Trop de thèmes dans ma tête, j'allume mon pet fusil, y'a clash, bombe, roquette, j'suis hors la loi, j'arrive, j'ai même pas tu t'imposes, je t'explose, je te dose. Oh, j'suis pas à ton bon niveau, négro, j'ai même pas de boulot. Le système n'est pas réglo, fuck l'éducateur derrière son bureau qui te fait espérer, je vais les enterrer, c'est le système babylonien. Ha, voilà, tu portes pas tes coups, tu finiras en chien. En rien, c'est des chiens, ils veulent tous nous shooter dans nos cités, mais on voit tous les shooter. Fais-moi fumer sur ton gros joint. La vie de l'homme, je suis trop loin. Faut les juste niquer bien. C'est ça le truc en fait. Ouais. Alors bonsoir, JP Yeman de l'association Culture et Gay, c'est Bulan en production. Enchanté. Enchanté. Nice to meet you. On s'occupe des hip-hop, rap et reggae sur toute la région Midi-Pyrénées. Voilà. Ouais. On est une filière de l'association Ramardi. Parle-moi. L'association Culture et Gay. Parle-moi. C'est Bulan en production. JP Yeman. Qui a fait l'interview de Bob Marley. Ouais. Et ouais, c'est un réel. Ici, tu vois, grâce à au culturel, tu vois, et à certaines associations 4, comme 3, Canal Sud, 2, bah, certaines personnes comme 1, nous ou comme d'autres qui veulent s'en sortir et qui veulent faire connaître un peu leur voix, bah, grâce à des associations comme Canal Sud, ils peuvent avancer. Ouais, et ça, je remercie. Je remercie franchement. Bienvenue. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Merci. Facile de Ken pour un Ken. Les petits se mettent à pétard en partie rase bas. Tu connais, pour 10 euros d'être là. J'observais tout ça. C'était paranormal que sur bitume ces chiens nous mettent mal. Sale sur la lyricale, je mon zamage, les baise avec mes cassures. Toujours hal, tu connais. Faut sortir de cette flemme quotidienne. Ça c'est pour mes hyènes, mes réels. Tu connais qui pense faire de la caillasse, les liasses pour sortir un peu de cette hasse. Yeah. Ok, let's go. Je suis le black africain qui veut juste faire des billets. Demande à mes gars entiers, algériens, marocains, tunisiens, maliens. Pas les couilles de l'état. Avec mes gars, on fume au gros méga. La vérité au bout de mes lèvres. Ils ont non la fièvre. J'ai veillé fumer comme je fume mon joint de Royal Boy. Et je suis trop radical, je les fuck sale boy. Et sur l'instrumental, ma flow est trop hard boy. C'est trop tard, fils de bâtard de Paris à Dakar. Je les baisse, c'est eux les lascars. S'il le faut, roule en pétard, on s'en va les couilles. On fait pas les douilles, dingue. Là tu connais ma putain de life, fais gaffe. Fais tirer une taf, la galère, je la connais. Ouais, et je vais déconner, j'ai passé mon temps à zoner. Fils tu connais, je veux que c'est des soldats de rue. J'ai vu, j'ai vécu, j'ai su quoi qu'il arrive. On finira tous par terre, rongés par les vers. Hey, bitch, bitch, bitch, nigga, bitch, nigga. Ok, c'est no. Toulouse, pas une ville de Tarlouse. Il faut un putain de blues, tu connais mais. Eh ouais, ici mon ami, eh ouais, trop de gofas qui descendent en Espagne à Malaga. Tu connais, on descend à Mallorca. Eh ouais, on descend en Algérie. Tu connais mon ami, c'est Bomé Harbia, Mevgad Bijaya. Eh ouais, on représente tous les réels gars. Eh ouais, tous les gars au mitard, tous les blédards, pas les trimards. Putain de bâtard, moi je vais les niquer ces putain de connards. Tu connais, et ouais, je fume des grosses dards. Et alors, pas ti mal, viens pas jouer ti mal. Mon ami, j'ai la punchline, tu connais, ça décale. Ça te fout dans le ragaman. Ok. On a tous quelque chose à dire, alors disons-le vite. Parce qu'on aura pas le temps après. Après, ouais. Après on sera mort. On sera mort. On sera mort, on est gros, t'attends. Hey, passe le salam, 9-2, Canal Sud, 9-2, t'inquiète, j'suis 2, ok, c'est T-Dai boy, j'vais te baiser boy, bois les couilles de l'état boy, moi je fais juste mes billets, demande mes méga entiers, réunion, Guada, Martinique, Aiguin, de jusqu'à Saint-Martin, moi je baisse la France, négo, j'suis trop en trance, bitch. One man, oh, blow. La France boy, ils veulent tous nous vendre, je suis déjà un jour de prendre le vide de mettre ma pièce de Babylone. Ils veulent m'incarcérer, m'incarcérer, ouais. Moi je suis juste là pour faire des bruits, c'est pour la daronne, viola sur la corniche normale. T'inquiète, non je suis pas en français, je suis africain, t'es en France, je rappe, t'es à gauche, je t'aime bien gauche, je garde la tête haute, écoute-moi négro, je suis juste là pour faire des billets. Wow, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu râles, quoi, tu vois pas que la France nous veut nous baiser pas derrière, hein. Tu vois la pauvreté dans toutes les cités, dans toutes les rues. Ouais, la souffrance, la colère, la haine. Ouais, c'est quoi ce pays de merde? Faut que je me casse, faut que je me casse d'ici. Je dégage d'ici. Ils ont trop la rage envers le peuple. Ouais, la pauvreté. Ouais. Le système babylonien, ils veulent nous shooter. Mais on va tous les shooter et tous les shooter. Le système babylonien, ils veulent nous shooter. Mais on va tous les shooter. Ils veulent nous baiser par derrière. Mais t'inquiète, une barrière ça suffira pas, négro. Pourquoi, négro? Il faut qu'on appuie sur la gâchette. On sort les machettes, on va les links, les plaques, les smatcher. Ok, négro, tu connais, ouais, c'est la France, boy. En bête, je suis en transe. Excuse-moi, je suis quelque chose à dire. La vérité au bout de mes lèvres, boy. Ils en ont la fièvre. Bon, bah, les couilles, je m'exprime en rappant. Je suis rappeur, dealer. Dealer qui sont pas en couleur. Dis-leur qu'ils sont pas à l'air, ils sont encore en retard. Trop de retard, trop de retard, fils de bâtard. Sarkozy, viens pas à Dakar, non. Non, viens. 4 et 1, et 2 et 3 et 4. Mais bon, y'a pas Dakar, ma gueule. 1 et 2 et 3 et 4. système. Trop d'emblèmes dans ma tête, j'allais mon pète, fusillade, crash, bombe, rock, tu hors la loi. J'arrive, je m'impose, tu t'imposes, je te t'explose, je te chiba à ton niveau, négo. Même pas de boulot si le système n'est pas réglo. Fuck l'éducateur derrière son bureau qui te fait espérer. Je vais les enterrer, le système. Oi, Babylonien, voilà, tu portes pas tes coups, tu finiras en chien, en rien. C'est des chiens, ils veulent tous nous shooter, tous nous shooter. On va tous les shooter dans nos cités. Fais-moi fumer en gros joint. Oula, les gros, je suis trop loin. Je connais pas mon heure. Je suis incertain d'où je viens. J'oublie pas le black négro fricain trop chaud. C'est jamaïcain. Et ouais, tu connais. On fuck le fricain. Je roule. Bon, yo. Et ouais, vas-y, c'est pour toi ça. Bon, ok. Excusez-moi, monsieur. Vous fumez ? Oh, 36 ans, j'ai commencé avec Bob Marley. Oui, c'est moi, j'ai fait mal le reggae. On m'a même vu sur ta Arte. Hein ? Association Culture Reggae, Zébulon Production, si, si. J'en fais partie. Si, si. Zébulon a mené l'herbe dans les années 80, qui a mis ses sœurs à nous connaître et qui fait commencer l'émission de reggae à Paris. En 80. Si, si. Si, si. Oh, ah, ah, ouais. Si, si. Ancien quoi. Ah ouais. C'était des old school. Old school. Si, si. Oh, ouze. Oh, ouze. Oh, ouais. C'est dans ma butte, butte, butte. Dans ma zoom, zoom, zoom. Jump. Move up. C'est un tueur, Joe. Yeah. Il a, oh, il a de quoi à dire. Ouais, mais il a de quoi dire. Ok. Yeah. Ok, yeah, yeah, yeah. Ok, fuck it down, bitch, you look at me, black African nigga. Yeah, come from name, nigga. Yeah, I come from Africa, Africa, Africa, Africa, Africa. Africa is my order. Oh, oh, listen, listen my sound, listen my text, please. I'm a rapper man, I'm a rapper man, boy, I'm a young gangster. Ok, yeah, I do money. Oh, money full in my bag. Don't give a fuck, nigga, fuck the police. Oh, bitch. Oh, bitch. Ils veulent tous nous shooter. Arsenic, dissident, on va tous baisse le chat. Fuck le système, fuck le système. Babylonien, je les baisse tous. Ok, yeah. Oh, fais-moi fumer sur ton gros joint. Oh, la vie, la vie. Je la baisse, boy. Rien à foutre, boy. Bon, j'ai fait mon instrumental. Je fais mon gros zama. Vu de l'homme, je suis trop loin. Jamais roulé. Vous avez quel âge dans vos disques? 53. Oui. À 17, 78, 17. Déjà, star international. Paf, la nouvelle. Wow. Ouais. Un phénomène. Si. En effet, tu sais, c'est du lourd. Ouais. Yeah, ok, let's go. C'est une aide de ticket 221 en mode racaille. J'arrive en bolide solide, appelle-moi le blank. Négo, je vais te baiser ma punchline. 3000 punchlines dans ta gueule. Oh, ma flow fait danser le shit, trop lourd sur tes lèvres. J'ai reconnu mes Nike sur ta YM. Oh, bitch, écoute, bitch, listen, bitch, j'te fuck, bitch. Tous ces négos qui parlent, ils portent pas leur coïn. Ils disent que Tida il rappe trop hard. Ouais, c'est trop tard, j'ai rassé, j'ai tracé. M'en bats les couilles quand tu m'envoies, t'as le seum négro. J'ai pas le temps, j'accélère. Faut faire du billet, rentrer, c'est pour la daronne. Rien à foutre du système, ouais. Faut que je me casse, Tu seras la daronne de la zone. Bad. B-boy, I'm a recipe boy, B-boy, I'm a gangsta boy, I'm a dangerous boy, nigga. 1, 2, bitch. Les gens, ils vont flâner. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons une session freestyle rap en continuation pour l'instant. À vous les micros, studio, je vous Ok, let go, bitch, yeah. J'arrive, je vais baiser ta go. Écoute, boy, ma putain de flow, c'est trop lourd, c'est trop rat, c'est dit, tu reconnais, moi, c'est tout, ça vient de DK 221, on te racaille, boy. Écoute, boy, ma putain de flow, boy. Ok, je les baisse sur l'instrumental, je fume mon gros jour de Zaman. M'en bats les couilles sur l'instrumental, bats les couilles, je fuck l'état, fume un méga, ho, avec mon gars. MD, j'ai comme si je tape de la MD, boy, je sniff, boy, ho, cocaïne in my blood, boy. Don't give a fuck, ok, boy. C'est Tidai, le rappeur Black Galsen. Ouais, tu te disais, ma flow est trop lourd sur tes lèvres. Fais gaffe, j'ai reconnu Menac sur tes putains de yeux. Ouais, non, ouais, c'est Tidai, ouais, ok. Non, de moi tu parles, j'appuie sur la gâchette, tu flippes. Oh, bitch, je te n'exalte, je suis trop radical. Viens me texte à la dalle. Oh, j'ai les mains sales. Oh, j'ai les nicks sales. Oh, bas les couilles, déconne, juste faire des billets, boy. Rentrer en plein boy. Ville sur la colline, normal. Tu rap banal. Écoute, boy. Oh, soldat de rue, je te prends cette putain de vie. Tu portes par tes couilles, tu finiras en chien, en rien, boy. Oh, les jaloux, j'ai les vendeurs jusqu'à noter. Retourne à l'école, elle monte primaire. Fuck, quel célibataire. Des terres pépères sur l'instru. Toujours des terres. Rap terre, écoute ma putain de flow. Tu te mesures à la taille de mon jean. Hey boy, Friday night, je suis pas clean. Garçon, mets du glaçon dans mon whisky jean. Hey. Oh. Si t'as trop la dalle, mon ami, va pas jouer les bâtiments ici. Et ouais, moi je te dis t'es mal, mon ami. Et ouais, trop de business en mode Rakalaman. Et ouais, ouais. Me back down, get down, if I get down. Back to bitch, if I do, bitch, it was the ass. Nigga, look at my legs, I don't know. Rap, Joe, had your rap, trop. C'est trop tard, poussé, trop tard. Oh, en retard, moi, c'est tous tes fils de bâtard. Bande de fils de Lascar de Paris, attaqueur. Je fuck tous les gâteurs, boy. Oh, Marie Le Pen, oh, la chatte à sa mère. Oh, viens pas à Dakar. Oh, oh, bitch, oh, okay. Oh. C'est trop du sale, on parle pas Le Pen ici, tu connais. On fait même pas de politique ici. Tellement on a même pas lobé dans nos putains. C'est Babylone, nous casse moque, nous cafoc. Et ouais mon frère, tu connais, moi je smoke mon frère. Ma putain qualité depuis 12 ans, et ouais. Et alors je fume ma teuté, tu connais mon frère. Viens pas tester dans mon putain de système. Tu connais, j'ai trop la haine, et ouais. Pourtant, je mets même pas de la coke dans le zen. C'est ça le dilemme. Merci à JP Yeman, le doyen de Canal Sud. Ok, petit souci technique, y'a un gars qui pète les plombs. Il est trop tchad, mon frère, il a trop bu, je sais pas, enfin bref. On va pas rester là-dessus une heure, tu connais. Bref, les gars, y'a toujours des dealers, des braqueurs, des voleurs. Et ouais, même des gars, toujours même pas à l'heure. Ils boivent un petit peu de rhum, ils pètent les plombs, mais bon. Pas le couillon, et ouais mon frère, t'inquiète, moi je suis un Shaolin, et ouais, je te mets, c'est pour tout le monde. Oh, t'inquiète. On s'inquiète pas ici. Prends des photos, man. Ah, c'était cool, hein. C'était un pétage de plomb en live, quoi. C'était ouais, tranquille. Ça remet au motif les troupes. Et ça vous dit, on fait une petite pause, les gars? Ouais. Allez, vas-y. Alors bonsoir, je vous présente ce soir dans l'émission Nuisance une session freestyle hip-hop ou quoi d'autre par les gens qui veulent se présenter ou pas, c'est vraiment ouvert à... Ouais, Sanji, ici présent, vous connaissez ou vous connaissez pas. Si, voilà. Si, D-Dye, le black negro, oh, toujours Alder, de DK, aïe. Ok, tu connais, c'est Docteur MD974, mon frère, ça vient et ça t'éclate. Si, si, ma gueule. Voilà, et ça va commencer dans quelques secondes. Si, si, ma gueule. Ah, bon, non, c'est l'instru, je l'ai détruit. Hey yo, hey, réveille-toi, Sanji. Ils veulent que la solidarité soit anéantie. Elle ne fait que se raviver, donc on est anti-nanti. D'apparence antipathique, dans le fond fort sympathique. L'argent nous attire en partie, c'est pour le profit qu'on pratique. Et qu'on se tire dans les pattes, des fois plus question de poste. Les hauts du système dépassent, mais toi t'es clair d'espace. Je regarde tous leurs débats, mais regarde c'est la débâcle. Système défaillant, décadent, avançant en dégradant. Y'a même des sans-papes, à côté des RG. En train de faire les sans-pas pour pas se faire piéger. Regarde au bled, ils pensent qu'à de la Tunisie. Et les Français pensent qu'à se barrer au Maroc ou en Tunisie. Ça quitte son on attache en avion bateau au parc. Mais pas difficile d'acheter 50 euros du roblox. Les nantis on l'emprise. Mais là sa parenthèse est pour l'état c'est la hantise. La reine du système mais personne ne s'en soucie. C'est tout pour ses sous. Du béton c'est pas du sursis. Sûr que c'est du riz si en pendoctriné et humain endurci. Chauffe au trimé en faire business ils ont profit. Mais pour leur économie les migrations c'est là. Ils sont provoqués par leur expulsion char. Maintenant y'a des centres de rétention. On est loin de 45 et de l'appel pour la reconstruction. Pour leur économie les migrations c'est là. La crise est provoquée par leur expulsion en charge. Maintenant y'a des centres de rétention. On est loin de 45 et de l'appel pour la reconstruction. Saleté jungle, c'est avec des peines qu'on jongle. Salon les empiles et ça va de pire en pire. Ils veulent de l'honnêteté, regarde leur système monétaire. Envie que Dieu fasse tout brûler avant que l'on m'enterre. Mené par des menteurs, gouverneur à tort, président à terre, mais le diable tient le décor. C'est Rasta mon moteur, c'est la CIA mon mentor. La France me fait pas peur, mais bon faut changer de décor. Ici on mène une vie malsaine, les assassins sont dans le système. Et ils nous tiennent car c'est leur monnaie qui règne. Et c'est de ça qu'ils nous apprennent depuis la maternelle. Pour leur économie, les migrations c'est là. La crise est provoquée par leur expulsion de char. Maintenant y'a des centres de rétention. On est loin de 45 et de la paix pour la reconstruction. Tchoum Faya Bang et Choum. Ça détruit le micro. Hey, la blague calte, elle vient de DK. De sa fête, y'a un mode rack, tu connais. Hey, bougez la France, bougez la paix, j'suis en trans, négro. Écoute-moi, putain, ce flow sur l'instru. Je l'ai détruit, bon donc, il est fait passer. Si, si. Ouais, ça a bafouillé. On va remettre ça bien. Ouais, j'aime bien bafouiller, moi. J'arrive, je vous baisse, bon enculé. Je fais des billets juste pour la parole. Fais là sur la collège normale, tu rap banal. Oh, ta go, je la mets une banane. Pas les couilles, non, pas les couilles. J'suis al. Oh, oh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu racontes. Ma flow est trop lourd sur tes putains de lèvres. Oh, j'ai reconnu mes likes sur tes putains de lèvres. Faites place, boy. T'es rap trop rate, c'est trop lourd. Vous êtes trop sans retard, boy. Piste de bâtard. Ça revient pas à ta gare, le pari à ta gare. Je fuck tous les radars. Oh, dans le Lascar, boy. Hey, like a bitch. Ok, tu connais mon ami. Eh ouais, on fume des grosses dards. On n'est pas des putains de climat. On m'appelle le Lascar. Tu connais moi, c'est Docteur MD. Eh ouais, 4 chèques, terre, terre. Tu connais, je nique ta mère. Et bon, je vais pas être vulgaire. Mais bon, est vrai. C'est le terre, terre, bon. Faire pire, terre. Terre, terre, sur l'instru, j'arrive, je t'ai détruit. Toujours terre, toujours terre, toujours terre. Je rap, pépère sur terre, terre. Redescends sur terre, c'est T-Taille. J'arrive dans ma tête, c'est fusillade, bombe, clate, clash, croquette. Mais quand j'arrive, je baisse ta go, boy, la chaîne. Pas les couilles de l'état, je rap mal pour m'esprimer. Mais oh, c'est comme si je martyrisais. Trop chaud, trop défoncé, ma putain de flow. Ok. Hey, te fais tripper. Pas testé, tu connais mon frère, on fume la grosse qualité, la teuté. Et ouais, pour mes gars, mes guerriers de la Réunion. Hey. Et ouais, ma putain de nation. Tu connais, hey, moi je pense à ma daronne, la sortir la zone. Et ouais, hey, faire des putains de billets. Hey. Et penser, hey, aux putains de CMC qui nous nie, hey, dans la TC. Hey. Putain, et ouais, trop de Nesby, putain de trop de gars, hey, en mode go fast. Hey. Et ouais, c'est la Haas, hey, tu connais mon ami, hey, c'est bientôt la Grèce, ici hey, c'est la Hesse. Ça fait bang, bang, bang. Ici bang, ça fait bang. Dans ma cité, dans nos téléboles, ils tous nous vendent nos shooters, ils vont tous nous shooter, mais ça fait bang. Ça fait bang, bang. Ma putain de gueule, 3000 punchlines, c'est trop lourd dans ta gueule. Tu peux pas assumer, tu peux pas comprendre, c'est du bang, bang. Ok, ils veulent tous nous voir shooter dans son trou rempli de. Qu'est-ce qu'ils nous préparent? C'est fils de pute, moi je pisse le système. Boy, pas les coups de l'éducateur derrière son bureau. Même pas de boulot, qu'est-ce que tu me racontes, bro? Yo, si tu portes pas tes couilles, tu finiras en chien. En rien de Panama, Dakar, je les enterre jusqu'à Nanterre. Retourne à l'école élémentaire, primaire, baguette, c'est dit, batteur, déter, toujours déter, garçon, médical. On t'envoie au whisky, ça t'est dit, ben tu pas de gueule. Oh, tu te mosais, boy, à la taille de mon jean. Oh. Une racaille, mon frère, on fuck les ratailles. Tu connais les Batman, et ouais, Batman. Y'a pas d'esthétique mal, je fume du Zamal. Tu connais sur l'instrumental, tu connais, j'suis Al. Et ouais, à Canal Sud, on est Al. Et ouais, c'est 9.2.2, tu connais, viens pas tester. Et ouais, c'est que pour mes guerriers qui niquent ce stem-ci. Et ouais, dans la cité, et ouais, ça bicrave, ça vend de la teuté. Mais bon, moi je veux pas parler de tous ces guerriers, putain. Je suis trop rabat sur la sous-mentale. Et ouais, bang bang, bang bang bang, ça fait bang bang. Je suis bien pété. Bon allez, on va faire quelque chose de sérieux. Fuck your life, nigga. Ok. Yeah, yeah. Ok. Ok, don't give a fuck, don't give a fuck, man. I don't give a fuck, man. Don't give a fuck, man. What are talking about, nigga? Come in my fucking hood, hey, bang, bang, killer. I'm a young, fresh killer. Okay, let's go, j'arrive, boy, j'arrive. On bat les couilles de ta vie, boy. Nous qu'à walking by. C'est le mec qui vient de TK 200. Motherfucking nigga. Kai, fait pas, je m'aime pas, je te dois. Tu déposes, boy, tu déposes, boy, tu vas finir. Nuka walking by. Motherfucking mal. Je fais du sale sur l'instrumental. Je te nique sale, bitch, je suis trop radical. Viens me check si t'as la dalle. Oh bitch, je te nique sale. Oh ma pas les couilles. Oh les miches te font go parler. Laisse les, oh ils l'ont pas su. J'ai vécu, j'ai vécu, j'ai su qui. Ok. Génération à laisser. Toi-même tu sais sacrifier l'enjeu et automatiquement de qualité. Toi-même tu sais, frère, va pas t'hésiter. Ici que des guerriers, ça catche bang bang. Tu connais ici, on a trop la haine qu'on se fucking système. Putain, Babylone et ouais, Sarkozy, viens pas ici. Y'a trop Nesby en mode zombie. On va niquer toi et ta coquille. Je te dis, bang. Viens pas tester ici, bang. Trop de gars, bang. Bang. Qui bang bang dans ta mère, qui bang bang, bang. Ok, Sarkozy dans ta mère, qui bang bang, bang. J'ai la haine parce que j'ai toujours pas un franc dans ma putain de chevaux. On est passé en euros, on m'a dit travailler plus pour gagner plus. J'ai rien eu, j'suis toujours en période bus, tu connais. Et ouais, j'ai toujours pas le permis, 24 ans. Putain, toujours pas un franc, je pète les plombs. Mon frère, et ouais, c'est la demeure. Ici c'est la galère, ici c'est la misère. Et ouais, c'est le terre-terre. Mais bon, j'te dis nique sa mère. À l'envers, j'te dis nique sa mère en l'air. Ok, let's go. Bitch, let's get party, let's Let's les go, pas le temps, faut accélérer. Ho, faut accélérer, nous pourrons jamais rattraper. Ho, faut accélérer, nous pourrons jamais rattraper. C'est Jedi Boy, de DK, mode racaille, boy. J'arrive en volume solide, je les, bon. Les enterre. Hey, je les baise, boy. Bon, bon, on pull up ça plus tard. Tu donnes 4 fois ta main au-dessus de ta tête et tu l'envoies sur la gauche. Ensuite, 4 fois ta main autour de ta tête et tu l'envoies sur la droite. C'est hot, hot, nigga. Il a aussi. Non, non. Alvin bordel. Yeah. So let me see you round, round to the left. Let me see you. G, G, G. The illest Twitter and Instagram, but it's musical G. C'est pour vous ce soir. Je pose, ça y est, je suis chaud. Je représente pour les gens qui sont posés derrière le cachot. Toi-même, tu sais, on dirait que c'est fâcheux. Bref, ça brave du chachot. Bien, bref, c'est l'inverse. Désolé, y'a trop de cesse, trop d'inceste, trop de zeste, de citron. Présent dans la cuillère. On dirait que le diable parle dans l'oreille, mais pas depuis hier. Ça dure depuis longtemps. C'est pas grave, je suis posé avec des bons gens, je prends du bon temps. Toi-même tu sais, je vais à 200 000 km/h. Bon, c'est pas grave, traque le métro, on se dit tout à l'heure. Toi-même tu sais, trop de rappeurs sont pas à l'heure. Bien alors, sont à l'heure, faut garder le moral. Qu'est-ce qui se passe, c'est comme ça. Je donne de ça oralement, quoi, désolé. On dirait que c'est le mic, le maniement. Mais qui mon mic, à part qui manie Marley. Non, personne, désolé, donc arrêtez de parler. Vous pas vanné en Harley, ici c'est pas Harlem, c'est loustou. Débarque ici et puis m'affronte, tu loustou. Toi-même tu sais, on est posé tous où. Toi-même tu sais, Canal Sud, c'est poteau. Ok bon, c'est comme ça, je suis en train de rigoler, de m'enjailler. Toi-même tu sais, y'a pas de gun à dégainer. Non, toujours en train de s'engrainer, mais qu'à faire des choses bien. Ok bon, c'est comme ça, aucun huissier ne m'enlèvera mes biens. Tu connais des gens en train de s'amuser. Les anciens qui sont trop vieux, ben je leur envoie au musée. Ça y est, j'étais dans la visée, puis je suis pas civilisé. Aïe, ok bon, c'est comme ça qu'on remet ça. Je représente pour tout le monde ici bas. Honorable à tout bab, quoi, on dirait que je suis tout petit ou tout grand. Bon, c'est pas grave, puisqu'à la fin, je te le sais pas, je te l'apprends. C'est ça. Dieu, que, que. Je marche seul, bien que je sois bien entouré. Je marche seul, bien que je sois bien entouré. Pour me faire taire, il suffit pas d'un cercueil et m'enterrer. T'as fait l'erreur de croire que mon blaze était sans intérêt, mec. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ça pose, ça pose, pose. Foseille, défonceille, pas les coups de l'état, je fais juste des billets. Ok, écoute ma putain de flow, écoute ma putain de son. Oh, la vérité au bout de mes lèvres, j'ai reconnu mes mics sur tes yep boy. M'en bats les couilles, moi je viens de DK 221, moi de rack, je t'explose, tu t'imposes. Moi je baisse le système, porte pas tes couilles, tu finiras en chien. Oh yeah, oh yeah. Oh bitch, écoute boy, c'est Jedi boy, the DK boy. Oh, dis la vérité au bout. Bah les couilles. pas. Alors, à ce qui paraît, ils vont nous shooter dans nos cités. Oh, oh, je vais te dire, oh, putain de Warriors de DK. Valet que de l'état, je suis mon gros méga. Wow, je vois mon avenir dans un trou de serpent, boy. Je vais s'en sortir, boy, juste faire des billets. C'est pour la daronne, je suis qu'un étranger en France, boy. Oh, fuck, je me casse d'ici. Fuck, oh, je dégage d'ici. Oh, y'a Wallo, y'a Wallo, y'a rien, y'a rien, y'a Wallo. Y'a Zabi. Street Empire, we legendary, we legendary, we legendary. Jose, Jose. Oh what? Oh, Dieu. Canal Sud, Michael. 9.2, 9.2. Défoncé, j'suis calé. M'en bats les couilles de l'état. Juste faire des billets, c'est pour la daronne. Villa sur la corniche, normal, j'ai bien de DK. 221 en mode racaille, j'arrive en bullet solide. Je baise la France, je rappe en trans, boy. L'instru fait trop mal, je te nique sale. Je les tous en, oh, je vais tous les détruire, les baiser. Cœur, en cœur, et ça fait trop d'inspi pour tout mettre sur une feuille. La vie est trop d'espi, mes arrières je les surveille. La rage au ventre, du violet dans les prunelles. Je viens chercher de l'oseille, pas ton amour mec. 20 euros par heure pour s'inventer une vie au mic, ça fait un peu cher non. Moi je reste le même que dans la rue, nonchalant. Je rap gangsta ou sensé, commercial ou engagé. Je m'en tape, je ramène du made in Konzo. Ça fait les gangstas dès la première conso. Mais t'as rien de nambo, t'es pas un 6 gros. Face à tes paroles, t'en perds les consonnes. Même sur une face B, ton rap je consomme. Partant tu veux, on sait tous que t'as pris le somme. Ma bite dans ta gorge pour te causer un ulcère. Yeah. Ça fait. Batman City. 30 ans West Coast. You tell them. Mwen debouye ou chèche yon dizon an ditan an ka son poupe s'arrive. Liye men bini op sinan sou le jou ka doue. Ou sa fri jan sa ye men pon moun la pa ka joue. Se mou fwe yon ki kaba ou fonsa pripe sa tuye ou. Ou ka gade ki jan ou fina ke yot ka exagere. Kop pa wè ou ka fwe ke yon ka mele. Ou fina si de men ou fina ki la ka mele. Ou pa ni pon se posisyon pi ou pe rive man atan. An ka bay yo an distans e lese yo an dantan. Même si des fois ça mérite, regretter ou ni choisir, c'est vrai. Ça a ouvert les garçons, on peut aller chercher en position, on dit dans, on peut arriver. Même si on l'a capalé, trop type c'est vrai, frère, moi toujours calouillé. Cadouillé, jeunesse, moi toujours qu'il a qu'à regretter. Capal palé, qu'à veiller nous pendant si t'en qu'à la cimérie. West Indies, ma gueule. 9, 7, 1, yeah. Palais Bayo, yeah. Ah, ok, c'est pour mes gars. On tuait juste faire des billets. Valet que de l'état. Film pour mes gars. Tous mes gars passent leur le salam. C'est dit, de DK 221, mode racaille. Écoute ma putain de flow. Oh, trop lourd, c'était putain de lèvres. Oh, écoute, écoute, c'est Jedi. Ok, ok, faut pas négocier moi. Je vais pas parler, j'suis le black negro en France, boy. La France veut me baiser par derrière, boy. Ha, oh, baise le système, boy. Bah les couilles de l'état. Tu portes pas tes couilles, tu finiras. Oh, chien, oh, rien. Même si on l'a pas parlé, s'en foutait en arrière. la faut ou pi aller. J'vois fi ou ka mené, j'ai naissé moins ka payer. Ou ka vrai que c'est système français toujours ka jouer. Fais pas ou regretter, tous les choix nous ka assumer. Ou assumer, dans la vie pour pi ça aller. Si pote, ou pi ça compte yen qui en l'air, y'a ou garçon pour vivre. Vie en la rue là, mais c'est comme ça. Même si tu n'es des fois mené en histoire, tout le monde qui a fait un choix, c'était là, même si vous avez regretté ce Allah, je connais pas, je sais pas, oh, pourquoi, même, non, je sais même pas si je vais rentrer au paradis, en enfer, m'en bats les couilles, moi, je me dis, fuck la vie, même si j'ai pas de thunes, je fuck le luxe, bats les couilles, boy, c'est ça, c'est à rien, boy, rien ne t'appartient dans cette vie de chien, tôt ou tard, on finira par terre, rongé par les vers. Y'a ceux qui gisent A et ceux qui les pas famille. On est gangsta comme Montana Tony ou une tringue balle comme Canardo Fini. On est gangsta depuis l'époque des Costa. En serviette on fait Kaira pour faire ma fiancement costard. Cravate en embrouille on part pas normal direct on tic taras. On est gangsta pour les Z Kuluna. Tu fais le show, Kata Guruma. T'as des appuis solides avec nous au Congolouma. On baisse pas les yeux, appelle-nous Patrice Lumumba. Les mêmes optés, c'est toujours là, t'as là qui ka ou présenté. T'as là qu'à bas, c'est là et tout pas qu'à présenter. Assis les blocs, en assis, mais en fait toute frontière. Jambé des baillets pour m'en faire des doigts contre vrai. Un grand ou un petit, c'est vous qui a choisi. Un grand ou un petit, c'est vous qui a détruit. Les mêmes qui cherchent à condamner moi pour détruire moi. Chercher envahir moi pour investir si moi. Les moi qui prennent confiance, c'est moi qui prends confiance. A dans tout santé, café, on comprend ni conscience. Oh, okay. Et je moi fait ça vivre. Même si vous avez un lari, ça pas qu'à jamais. Même si vous avez détruit ou. Chercher vous avez détruit ou. Vivi. Même si vous tout donné en dit ou. Ton vie nous a mené, puis je chote. Skill, baby. Get the fuck up, get the fuck up. In my hood, nigga, don't give a fuck, nigga. Fuck the police, oh, oh. Nigga, I'm a dealer, I'm a black nigga. Come Africa, don't give a fuck. I fuck pussy ass, nigga. Fuck bitch, hoe, nigga. Look at me, black nigga. Gangsta, nigga. Rasta, nigga. Oh, bitch, what the talking about? Hey, nigga, get the fuck up. Get the fuck up. Get the fuck up. À reconcilier. Donc, il nous va mener à dans la rue. Ça va pas présenter, oui, joli. Bio. Déjà rentré dans le vice, même en tant que novice, malgré tous mes sacrifices. Pour avoir un peu de chiffre, pour atteindre ce putain d'objectif pour laquelle je suis parti, donc la mère très ravie. Disant que c'est son fils, il fallut qu'elle sacrifice. Malgré tous ses crédits, vouloir premier sous sa liste. Et moi, déconnant avec toutes ces histoires illicites, évitant toute justice, de justesse, en courant à toute vitesse. Où j'ai failli passer la moitié de la vie en prison. J'aurais regretté sous les pas que j'aurais fait. La vie c'est comme ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est mes frères. Que je protège et toujours c'est les actes pour qu'ils fassent. A regarder qui j'en tout mon allait ou fait. Trop moun et trop magnifique si j'en dis. Garçon en pas forcément mon choisi. Vilain en caméné même si y'a exagéré. Des potes pas qu'à compter si moun même si y'a parlé. A peu pas attendre, rien de pour moun. Compter si moun c'est ses résistances pour un kembe. Et si y'a fou mes trop poids toujours en kembe. Si combien non non on veut pas non on chambé pas ni rien pas ni baïek qui distancé pas ça sans j'avis facile à terre récompensé ni les mots ni les feux pour nous débrouiller nous même si y'a tout du là contre nous même si au final que y'a envie nous pas ni rien qui change nous pas ni rien qui envie nous. Mais ça commence par passer les remparts, ça commence par je représente pour mes remparts. Ça commence par à la partie je la remporte. Et puis ça commence par le nouveau message que je colporte. Ça commence par passer les remparts. Ça commence par je représente pour mes remparts. Ça commence par la partie je la remporte. Et puis ça commence par le nouveau message que je colporte. Je représente pour ma horde. Bref pour ma horde. T'es pas content, on est venu t'arracher la horde. Bran, aïe aïe aïe, on dirait que c'est une punchline. Toi tu fais du roller, mais seulement c'est inline, outside, inside. Bref c'est quoi ton délire. J'arrive ici, tu fais des trucs. Et dis-moi c'est quoi ton délit. Aïe, on dirait que ça pose salement, salement. Comme la bataille contre les Allemands. Je représente pour maman, enfin. Bref, au passage, tu connais le message. Dis-moi de quoi il s'agit. J'ai pas le temps de m'assagir. Aïe, aïe, je débarque. Toi-même, tu sais, pas besoin de la baraque. Je casse la baraque. Aïe, on dirait que j'arrive ici. Je repars à style free. Toi-même, tu sais, pas besoin de l'hostie. En train de s'amuser comme d'habitude. Toi-même, tu sais, le système nous mène la vie rude. J'ai du mal. Enfin, bref, je retombe sur mes pattes, sur mes faces. T'es pas content, en moins de 7, je te défasse. Aïe, aïe, aïe, j'arrive ici et puis je remets ça. Un but dans ta lucarne, dédicace le Messi au Barça. On vient de la même origine à la fin. Non, c'est pas cartin, je commence pas préface, pas de fin. Ça check, c'est dans le studio. Désolé, y'a pas d'idéo. Trop de gens studieux. Je pose n'importe comment. Toujours du mal à expliquer mon putain de comportement. Mais personne t'en manquement. Seulement faut pas t'aimer. Mal celui qui passe en T-Max. J't'arrache ta paire de Air Max. La suspens sur le fil. Lampadaire, t'es pas content, je suis pas en mode lapidaire. Mais en mode la filière, je vois des élus. Enfin bref, des ailés. Trop de zoulous et puis trop de gens qui veulent jouer les ailés. Y'a pas d'ange ici-bas, regarde la vie. Non, désolé, on te demande pas ton avis. J'te tape dessus et puis j'prends le dessus. J'te fais un étranglement, guillotine. Tu sais déjà ce qui t'attend en team. J'vois le pote Scarface qui est chaud. Ok bon c'est pas grave, représente pour les gens au cas chaud c'est pour acheter. Toi même tu connais le message encore une fois. À l'époque souviens-toi, ouais j'étais à bonne foi. Puis belle, belle, belle, bien. Puis ouais mais la vie là est cruelle, cruelle. Bon rayon à soleil, lay, naturel. Et ça c'est un vrai merveille, merveille. Antigène naturel. Et puis c'est ouais, l'essentiel. La vie là est pas au ciel. Faut nous profiter d'elle. Yeah, viens pas sympathiser. Va te faire avec tes pieds. Oh c'est T-Day. Écoute-tu, oh je t'aime pas. Tu sais, ok j'arrive en police sur le jeu. Nique ta mère la chaîne. Pas les couilles de la vie. Ouais, je veux pas du luxe boy. Fuck le luxe boy. Je veux juste le nécessaire. Mourir boy. Je sais pas boy. Mon heure est certain. Oh la vie, rien ne t'appartient. Tu portes pas tes couilles. Tu finiras en chien, en rien. Fuck le système. Je la baise par derrière. Marie Le Pen. Chachat ça ta mère. Nique sa mère. Et ça fait j'rappe ma vie, ego trip ou sensé. J'rappe baby, ma musique fait pas danser. Je serai ton mari, donc j'ai trop de valeur. J'suis la caverne d'Ali, ils sont les 40 voleurs. J'rappe la nuit pour échapper à mes pensées. Excuse lady, j'ai pas le temps pour pioncer. Il faut que je rafle la mise, que tu sois ma fiancée. Que j'honore ta mère, que tu sois ma Beyoncé. Alors laisse-moi faire la zic, c'est comme ça que j'compte faire la diff. Ramener du bif, mettre la barre haute, prendre le pain sur la planche. Tu sais, pour ton sexe à pile, je pourrais traverser la Manche. J'rappe la rue pour mon sauce au placard. Une pensée à Juju qui reste un brave art. Tu le sais, depuis le bac à sable, la vie est une arnaque. Par expérience, je sais, c'est pas facile de vivre de mandat. Alors je viens saigner ce titre pour tous mes auditeurs. En voiture sur YouTube, même dans vos écouteurs. Je viens tellement de loin que je suis un peu comme les visiteurs. Mon son commence par un mois. Et ouais, je suis déficitaire, mais je vais envahir les ondes. Pire qu'une page. Publicitaire, je suis pas d'ici frère, mais je représente toutes les cités. Et je m'en tape d'être plébiscité. Je rappe pas pour percer, mais seulement pour vous faire chier. Si ça se passe. Ça se passe ici. Ça se passe à la radio. Ah ouais. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net. C'est l'émission voilà. Nuisance qui invite des gens pour faire du freestyle. Si vous voulez présenter les gars, c'est maintenant. Bravo. Gir. Konzo. Ah, ok. Et ça fait. Konzo Mike, Canal Sud. 31 West Coast, ma gueule, Toulouse, on est hâte. Ça fait. Ok. Gir. Ok. Est un art que je me force de maîtriser. Les unes, je les écoute pas, tout comme ces profs que je méprisais. Les faux frères, je les tacle, pour les vrais, je pourrais tomber. Je me marrais quand les gens me disaient que mon rap ne marchera jamais. Aujourd'hui, je suis pas beaucoup plus loin, mais négro, je sais où je vais. Mon rap est un art que je n'ai pas fini de perfectionner. Si la mort m'arrête, si mon heure aura sonné, je suis seul sur la route. Pourtant, j'entends déjà me klaxonner. Les unes me jettent les mains, il y a bien longtemps que je les ai semés. Pour faire de l'oseille, c'est de punchline que je viens semer. Mais d'embûches et de balles traînent au chemin et par semer. Mais faut que je fasse la diff pour la madre du bif. N'éviter la zone négro, pour ça que je vole sur de tes critiques. Je viens réanimer ce foutu game que je trouve dans un état critique. Et je te fais faire une overdose de punchline, laisse dans un coma éthylique. Les MC rap tous pareils, à croire qu'ils parlent la même langue ethnique. Je rappe et tu demandes c'est qui ce type. J'rappe pendant que les MC braille, j'rappe pour le plaisir mais surtout la maille. Ah ouais, bien sûr qu'il faut que je graille. Mon rap tue, le tien est die. Ah ouais, on est là, 31 West Coast, my God. J'vois que ça zigzag. Ok, ouais, j'vois que ça zigzag et puis j'suis en train de t'alpaguer. Qu'est-ce qui se passe, t'es arrivé ici et puis de quoi il s'agit. Non désolé, j'arrive ici, y'a pas de récit, trop de facéties ici. Bref, en moins de deux, j'te le casse dédié. Qu'est-ce qui se passe, j'suis présent dans la place. Toi-même tu sais, autour de chez moi, trop de coups de calage pour le palace. Ok les petits paradis ici, ça les fait réfléchir. Non désolé, trop de faux devant en train de fléchir. Quoi, désolé ça bafouille, j'esquive des bafons enfin. Bref, j'esquive la fouille. Toi-même tu sais, j'suis en train de bafouiller. Bref, en train de raisonner, t'es pas content, j'suis en train de détonner. Y'a une détonation. Toi même tu sais, ça étonne ma nation. Quoi, je te donne ça façon ration? Non, je prends ça de la bonne façon, garçon. Ça t'enterre, t'es pas présent sur pieds sous terre. Sache-le, j'arrive ici, je remets ça encore un but dans ta lucarne. Okay, monsieur au Barça, toi même tu sais, c'est pas la première fois. Souviens-toi déjà à l'époque, c'était à bonne foi. Maintenant, ça y est, c'est quoi les nouvelles preuves? Toi même tu sais, Dieu nous donne les épreuves. Donc c'est pas grave, j'arrive ici et puis je les passe. Encore une fois, j'écris des lignes, c'est pas le préface, c'est Dieu. Ouais, c'est pas le préface, c'est oh. Yeah, man. Dieu. Yeah, yeah, uh-huh. Yeah, yeah. La galère, je la connais, laisse-moi déconner, boy. J'ai passé mon temps à zoner, boy. Ouais, ok, je fais du rap depuis, boy. Tu connais pas, tu sais pas qui je suis, boy. Que tu me connais pas, on n'a pas conduit ensemble, non, boy. Ok, c'est T-Dye, boy. Ok, je rap, boy, boy, depuis high, ho, ho, new school, old school. Bas les couilles, boy. Je rap pour m'exprimer, dégager cette misère de passé, boy. Ok, yeah, j'ai vécu, j'ai su la rue, ma Africa, porte. T'es l'œil boy, oh hey, les apparences sont souvent trompeuses. Écoute-moi, négro, bitch, oh, ta vie, je m'en bats les couilles, c'est T-Dike, rap, rap, sale, sale, dégueulasse. Bats les couilles, je fais du sale, je fais du mal, c'est l'instrumental, je filme du bon ça mal, boy, oh, bitch. C'est le rap, c'est le rap, ouais, c'est le rap, c'est venu pour mes gars, et ouais. Sur l'instrumental, yeah. Tu connais moi, je suis Al, mon ami sur la lyricale. Et ouais, pour mes gars, toujours Al, tu connais. Et ouais, sur le terre-terre, pour mes gars, mes dealers, mes inspecteurs, tu connais. Et ouais, enfin, ces inspecteurs, tu connais, pour mes braqueurs, toujours à l'heure. Et ouais, sur le terre-terre, moi je te dis, j'ai toujours pas l'heure. Et ouais. Je délire, oh. Hey, okay, yeah, oh, yeah, let's go, okay, j'arrive chez BBZ Tago. Bas les couilles, boy, je fais du sale sur l'instrumental. Boy, ça fait pète le mental, c'est pour mes gars rayons. Hey, Guadeloupe, Martinique, Algérie, Maroc, Tunisie. Nego, bas les couilles, ta vie, c'est le bloc calcette. T-Dye mode de quand j'arrive, je m'impose, boy. Tu t'imposes, je te dose, je t'explose, boy. Hey, tu vas finir ma rigoler, jaloux, je les enterre, boy. Jusqu'à Nanterre, retourne à l'école élémentaire, boy. Primaire, fuck girl, célibataire, boy. Toujours déter, boy. Je fais du sale, du sale. Je suis trop radical, bitch, je te nique, sale. Pas les couilles, ta vie, Toulouse 3-1. Mirabel, Fontaine, Bagatelle, Ampalo, Renéry, boy. J'arrive dans ta cité, ça arrive teaser, teaser, tirer, boy. B-crap, B-tap, B-yap, tous et B-catch, négro. Bas les couilles, je suis foncé, je suis posé, calé, boy. 3000 punchlines dans ta gueule, négro. C'est T-Dye, Dye, de T-D-K. Papa les bas, moi, fou. Habillant, moi, ou. J'ai mis en moi, ou. Tous les jours en carré distance ennemi en moins. Dans le jour où son arrive là, bon, pas qu'à jouer encore. Tout le monde là, qu'à garder, toute ville là, à venir là, y a fort. Toi, pour nous, au final, qu'à garder, t'in des accords. En carré, qu'au final, pour people, même, il pas qu'à d'accord. Ni encore. Ni encore. Big up à people en main. Top baby, y'a mis en la rila. New vibes. Experimental. Ok. Tu connais mon ami. Eh ouais, la c'est pour mes gars de chien. La Redoxide qui l'a. tu connais c'est qui la bang bang. Dans ta tête ça vient du 974, 971. Ailleurs tu connais tous mes gars dans le terre-terre. Et ouais, ça fuck ces inspecteurs. Tu connais, faut faire des billets, penser à la remet. Mon frère, la sortir de la ce putain de zimmer. Et ouais, c'est la putain de galère. Tu connais mon ami, c'est le putain de terre-terre. Nique sa mère, j'en ai marre. Tu connais, je pète les plombs. Putain, j'ai toujours pas un rond dans ma putain de chapeau. C'est toujours la Hesse, mon ami. En France, bientôt ça sent la Grèce. Tu connais, on connaît, ah ouais. Tous les gens, ils vont péter les plombs ici. Réunion Sao, quoi d'un Sao? Ok. Ok. Yeah. Ok, j'arrive à voler dans un solide. Écoute ma voix, c'est Jedi, me dédique. Moi j'arrive à voler dans un solide, mon orakaï. J'arrive, je mets poche dans un zone, je filme ta putain de grosse. Négo, les jaloux, je les entends jusqu'à l'entrée. Retourne à l'école, le monde aime qui fait pas que tu n'es pas terre de gars. Ok, ma putain de flow, bé, danser le chétan. Moi, et toujours sur tes putains de lèvres. J'ai reconnu mes necks sur tes putains de lèvres. Je n'en colo, ça vient de dégayer 200 mètres de long d'accord. Moi, tu connais de Paris à Dakar. Je peux tous les radars, ça revient pas à Dakar. Moi, tu gagnes. Hey, Chi, Luca, making money dans la city. Tu connais, on fait du business de qualité. Good morning. This is the rhythm. Les jaloux ne font que kiffer. Fuck my enemies. Hey, Michael Jordan, bitch. Oh, bitch. Oh, tu sais ma. Oh, bitch. Oh, écoute. Écoute. Yeah. La vie pour moi n'est pas belle. Fuck le luxe, boy. Bon, les couilles, vivre juste avec le nécessaire pour ma famille. Je sais, hey, hey, ma famille, mon boy, c'est mon paradis. Ouais, honneur, l'homme de honneur, l'homme de valeur. C'est ce que je veux être. Je veux pas quand je veux mourir. Ouais, quand tu que tu die, ah, et t'es ci, et t'es cela. Parce que les gens savent trop juger. Faut faire attention à l'avenir, boy. Ouais, parce que l'humain passe son temps à courir derrière l'argent. Il tombe malade, boy. Yeah. Il finit par mourir. Yeah. Yeah, je fais attention à la vie, boy. Oh, fais attention à la vie. Qu'est-ce que la vie? Oh, fuck la vie. Ouais, tout ça n'est rien, boy. C'est la fin, boy. Écoute-moi, oh. Quand je rappe, boy, c'est la vérité au bout de mes lèvres. Oh. Malade, mais je suis halqué pour les souvenirs, ravale ta salade. Tout plein de zéros sur mon putain de salaire. Des putains de vacances au soleil. Et pour la daronne construit par un couvlet. Voilà comment je compte, niquer la misère. Toujours pas hâte pour te faire un son du genre. Je nique la police, je veux pas t'engrainer avec ceux qui nous enivrent. Je reste vrai pour mes nègres à la peau couleur église. Tous les moyens sont bons pour faire du bif. Alors tu peux me croiser dans un chantier en train de faire du bif. Je veux le baisse de Magic System, mais je suis pas un gaou. Donc si tu me croises en costard cravate, oublie pas que je reste un voyou. Le but étant de faire la maille où que je sois. J'ai la dalle, laissez-moi peser ou laissez-moi crever. Je m'en tape de percer, comme je m'en fous de la France. C'est le Congo qui m'a bercé, nigga. Yeah, ok. À ce qui paraît, sur Toulouse, y'a pas de flow. Ils disent qu'à Toulouse, ça boit faux. Kick mal, ça rime pas et ça frime sale. J-I-2-S, explique qu'on joue, dit Gucci Love Gang. Big card, négro, flic, pas. Pas al pour tout niquer, moi j'veux juste la maille. J'rappe pour mes négros qui veulent juste tout graille. J'rappe pas cousin, nique la police, plutôt fais ton bail, nigga. I say fuck your life. I say fuck your life. Yeah. Don't give a fuck. Fuck your life. J'arrive, je baisse tout, boy. Va te faire foutre. Bon, bon, cul. Je vais pas te laisser me la sucer. Je fais du rap, je fais des sons sur l'instrumental. Bon, les couilles de ta vie. Je fais du billet, c'est pour la daronne en bloc. La France, tout le monde baisse pas derrière. Non, non, c'est pas comme ça. J'suis au cœur. Oh, écoute le rôle noir de DK 221. Juste faire des billets pour la daronne. J'ai des belles filles, des belles envies, des belles vies, des belles filles. Dans ta vraie qui j'ai envie. Poucou nous, nos vies. Mi envie, mi envie, si bon vie. Mi envie, mi envie, mi envie. Mi envie, mi envie. Des belles vies, des belles envies. Des belles vies, des belles envies. Top moon, café, café, ça et tous les gens là. Qui j'en au final, tout le monde a venu quoi. Belle envie pour nous signer, pour nous mener vie. Pas les couilles dans ta vie, pas les couilles dans ta vie. Fuck your life, fuck your life. Qui j'en au final, pour nous toutes nous ici. Belle envie, les belles vies, les belles envies en vie. Fuck your life, pas garder la vie, la vie où t'as qu'en vie. Bitch. De ta vie, vie. Fuck your life, man. Hey, bats les couilles de ta vie, vie. Bats les couilles de ta vie. Fuck your life. Oh. Bats les couilles de ta vie, vie. Fuck your life. Bats les couilles de ta vie. Fuck your life. Fuck your life. Bats les couilles de ta vie. Non, juste parler. Faire des billets. Billets. Yes. Big up pour la radio parce qu'ils nous donnent la force. Ouais, ça, Canal c'est Sud. Nous. On est là, on est venu, mais c'est grâce aussi au Toto qui nous fait passer. Ouais. Big up pour lui. Al. Ah ouais, c'est la radio. Nuisance. 92.2 Nuisance. Canal Sud. Ouais. Représente quoi. Ok. Ouais. Toujours là, présent posé. Une nouvelle vibe, ce que je suis venu vous proposer. Je juste t'as pas d'exposé. Je suis devenu posé sur le MIC puis l'exploser. DJ Beat. Dans la vie vaut mieux être déterminé, car quand tu avances sur un terrain miné, trop de barrages à passer et de têtes à fracasser. Deux fois plus d'éther pour avancer avec un sale passé. Mais je continue de ramasser, ici y'a plein de gens qui ramassaient. Le temps c'est de l'argent et l'argent y'en a pas assez. Tous en train de se pousser en espérant que les agents nous laissent passer. On a chacun son espace mais certains restent en place. C'est des coups de calage pour le pouvoir et le palace. Les fils motivent quand les grands paradis ici. Des terres pour plein de choses, mais ce que je vis c'est le paradis. Puis c'est pour l'atteindre, c'est difficile car y'a plus d'un vice ici. Je les tiens comme une mission ou bien comme un missile. Mais je décide de m'arrêter avant l'homicide, ouais, avant l'homicide. De tout je décide, mais écoute le très haut. T'es présent ici bas, toi-même tu sais depuis le très haut. C'est la maternelle et puis l'école scolaire. Écoute, t'es présent sur terre et puis y'a deux systèmes polaires. Okay. J'appuie sur la gâchette. Oh, j'appuie sur la gâchette. Bien, man. J'appuie sur la gâchette. Déterminé. Rafale. J'appuie sur la gâchette. Déterminé. S'il faut, sort les machettes. Aïe. J'appuie sur la gâchette. Et sort la machette. S'il faut, sort les machettes. Aïe. J'appuie sur la gâchette. Machette. Ils veulent nous voir nous chuter. On va tous les shooter. C'est quoi ce système? C'est quoi ce système? On va tous les shooter. Bon culé. Écoute mon bro, c'est la fin. À ce qui paraît, Illuminati m'en bat les couilles. Oh, moi je fais mes billets. C'est pour la daronne, mon paradis. C'est où ça se trouve, au pied de ma future famille. Boy, écoute, c'est la fin. Si tu veux porter tes couilles, non, fond, non, va pas contre eux. Va toi contre eux. La plus grande guerre mondiale, c'est toi contre le shaitan, boy. Notre life. Ne se résume pas de cette merde. Notre life. Il faut qu'on affronte la galère. Affronter la galère. Notre life. Pour affronter cette merde. Ce système, il les joue que nous met dans l'emblème. Notre life. Ne se résume pas à la merde. Tous les jours, on voit qu'il y a trop de peur dans la galère. Et notre life. Encore moins le dernier abrité parmi ses amis, des futurs ennemis. Donc je ne t'en parle rien si je te dis que la vie est une pute. Dis-moi, pourquoi l'autre a raison quand tu décris à nouveau la vie? À vrai dire, on est tous un peu sados, tu veux mon avis? On souffre, mais on espère, on voudrait gagner mais on ne fait que perdre. Et quand un des nôtres nous quitte, on pleure. Je te parle de la vie, ses souffrances, ses douleurs, ses aléas. On fait de notre mieux, mais ça changerait un peu comme Toulouse face au Real. On ne cesse de crier qu'on est hâle. On voudrait que nos vies ressemblent à une pub de shampoing L'Oréal. Gagner autant que le McDo de Châtelet les Halles. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut d'avoir vécu. J'en suis pas convaincu car ici je suis venu, j'ai vu en ma pendu. Certains diront que je suis pessimiste, d'autres me trouveront un peu défaitiste. Mais bordel, arrêtez de me juger, vous faites chier. C'est triste, j'écris quand ça va mal. Voilà pourquoi ma bite. Voilà pourquoi ma main droite se marie à un stylo big. Si je crasse tes exploits, c'est parce que je laisse ma tête s'exprimer à la place de ma bite. 23 puis j'ai un vécu en acier. Je pense avoir les épaules larges pour assumer la vie. Je suis fait appeler esprit d'acier. Je rappe ma douleur quand toi tu penses qu'à danser. Je ne regrette rien, sauf tout mon passé. Mais quand tu viens ici, heureusement ça s'est pas fait. Mais bon, tout ça c'est du passé. Mais mon avenir je le vois pas comme Richard qui chercherait ses lunettes cassées. J'ai appris ce que c'est la vie quand j'ai perdu celle de ma vie. Et jusqu'à maintenant je suis prête du bras. Je me plonge dans la zic pour sortir du coma. C'est tragique, j'attends la reine qui voudra d'un mari comme moi. La vie me matraque, alors qu'on traite, je lasse des contre-attaques. Le malheur me traque, et certains souhaiteraient qu'il m'attrape. Parfois j'aimerais baisser les bras, on me dirait qu'il faut que je me batte. Dans le fond, la vie n'est qu'une grosse arnaque. Beaucoup d'objectifs pour peu de concrétisation. Beaucoup méritent, mais très peu ont. On dirait que tout est fait pour que j'échoue. À qui dit que l'argent fait pas le bonheur, je lui réponds t'es fou. Je sais pas si t'es bourreuse, tu fais sous. Mais passe-moi un peu ton compte en banque, tu verras que je fais tes sous. Ça fait bizarre de sentir seul orphelin. Sans donner issue d'une famille d'huit enfants. L'argent plie les gens, mais c'est plus un sentiment. Pour quel sentiment d'un cœur vivant. J'ai vu la cruauté de l'homme depuis mon divan. Kassar quoi a fait buter mes rats pour rester président. Et depuis j'ai compris le slogan de la pub Camembert président. À l'église on dit que Dieu est vivant, qu'il est grand. À ce qui paraît c'est lui le plus puissant. Mais face à toutes ces avances, moi je reste réticent. Mais disons que je suis juste à plus assez nice pour avoir un point de vue. Vu de quoi la femme est capable. Aujourd'hui je pense que le premier ennemi de l'homme c'est sa femme. Sous format MP3 je trace mes joies et mes malheurs. Mes malheurs où je te frappe, je veux un nouveau bonheur. Et ce jusqu'à mon prochain coup de blues. Je suis pas ceux qui viennent en studio pour jouer les gangsters. Yeah, ma vie m'inspire de celle-ci je compose les grilles. Les 16 rimes qui composent mes 16 rimes. De ces filles, je suis l'acteur. De ces rimes, je suis l'auteur. Ici, bah, rien ne m'arrête à part le ciel et sa hauteur. Rien ne m'arrête à part une balle dans la tête. Tu te mets un doigt dans l'œil, tu penses que dans mes textes, c'est la fête. Je marche seul depuis que j'ai démantelé un réseau de buts parmi mes potes. Pour baiser du gros but, j'oublie pas mes capotes. Seul dans la vie, hey, yeah. Si la vie est ici, oh. On est seul dans la vie. Oh. Hey, la vie fuck. Nous plaque et claque. À venir dans un trou de serpent. Oh bitch. Hey, oh. Si la vie veut nous plaquer, plaquer. Le chien dans nos boxes. Les côtes. Pas les couilles de ta vie. Oh. C'est comme ça. C'est fait comme ça. On est venu sur terre. On repart sur terre. Yeah. Oh, j'ai parlé vert devant Dieu, tu rentres à tes coups. Bitch, parle de ta vie. Oui. Yeah. Ok, le beat se lance et voilà que je kick. Ce morceau s'appelle J'ai pas choisi de titre. Tout ce que je voulais c'est faire un son pour que tu kiffes. Balancer du lourd et représenter toute mon équipe. Les MC hallucinent, se demandent qui est ce type. Leur meuf hallucine, se demande d'y vient d'où ce type. 31-5-20 pour résidence. 243 demeure et restera ma préférence. Ma révérence à l'adversaire qui m'affronte seul. Les voyous sont des putes, ils ont moins de couilles que leurs sœurs. À petit feu je marque le rap français au fer rouge. Les MC ne me voient pas venir. Je mourrai avant les 50 piges. Je me vois pas vieillir. Pendant que les MC s'attachent à la vie comme des mouches. Ils se voient pas mourir. Si si. Ah ouais. Non. Ok. Trop de police reste pas poli. Ah. Fais de la place aux impolis. Okay. Dieu. Yeah. Yeah. C'est lui une everyday. Faut se débrouiller, tu connais. Mais mes frères commencent à se dérailler, sale, tu connais, c'est... Cœur. Ici c'est Toulouse. 31. Ma gueule. Eh ouais. En place. Cœur. Et ça fait... J'arrive sur mes putains, je suis pour baiser ta gros, négro. Ok, écoute ma putain de flow, c'est D-Dai. DK, 221. Come from DK, j'suis pas un black freak, hein. Appelle-moi le black freak, hein. Freak, hein. Rien à foutre de ta vie, j'suis en France, boy. Baiser la France, boy, je rappe en trans, boy. M'en bats les couilles. Soir, ce j'suis pas clean. Personne me dit glaçon dans mon whisky jean. Je mesure à la taille, boy, de mon jean. Ça fait quoi Toulouse? Où sont les Tarlous? Vendredi soir, j'suis le fantôme des rêves, négro. Oh, pire ennemi négro. Oh, bitch, j'appuie sur la gâchette. Faut pas me chercher, non. Laisse-moi déconner. Sur ces putains fils de oh, fils. Okay. La galère, je la connais. J'ai passé mon temps à sonner avec ces fils de lascar. Bande de bâtards, vous êtes trop en retard. J'ai accéléré pour aujourd'hui me rattraper. Écoute ma putain de flow, fais danser le jet d'un. Ma flow est trop lourd sur tes lèvres. J'ai reconnu mes necks sur tes yeux. Négro tranquille, redescend sur terre. Oh boy, je vois toujours boy mes ennemis. À ce qui paraît, c'est MP boy. M'envoie les couilles de Toulouse. Fuck. Fuck, Toulouse, mon frère, c'est pas une ville de Toulouse. Viens pas jouer ici, on veut que du flouze. Mon ami, c'est la S. Et ouais, je te dis bientôt, ça sera la Grèce. Ici, mon ami, trop de gars ici, dans le terre-terre. Ici, ils sont pas à l'heure. Et ouais, trop de gars en mode dealer, braqueur, ex-roqueur, arnaqueur, dealer et terre-terre. Et ouais, Mon ami, je dis ça Babylone Faya, ça fume le Z là, ça fume le Kaya, c'est parti Rasba pour les petits gars. Je dis eh ouais, dans le putain de métro à Paris, c'est fini. Ok, non. Bitch, j'arrive, on les pisse, on les pisse, négro. On les pisse, on les pisse, négro. Va les couilles de l'état, tu m'en prends mes gars. C'est pour mes renois, frère. Oui, y'a le gangsta dans la cité, ça fait teaser, tirer, pick up, pétaf, brouillage, tous ces bons de pioche. Les mutos, ils ne font que kiffer, ils connaissent pas, D-Dye, bitch. Qu'importe les manières, je tomberai pour mes rails. Qu'importe leurs erreurs, mais mon rap doit rester sensé. Gros, j'ai des petits frères, je suis pas un modèle, mais pourrais-je rester le grand frère. Mon rap doit leur parler, leur dire ce qu'il faut faire. La rue n'est pas un chemin, l'esquiver c'est ce qu'il te faut faire. Dans la rue y'a des mecs bien, mais surtout des faux frères. Fais gaffe qui te tend la main, ils pourraient te tirer dans le fossé. Dans la rue j'ai connu Kevin et Denis, mais aujourd'hui tu me parles de Kevin, je le nie. La rue a ses charmes, qu'un aveugle refuse de voir. L'école a ses avantages, petit, fais tes devoirs, forcé de voir le grand en intérimaire. Les mêmes erreurs que moi, je t'interdis de faire. J'ai pas toujours écouté les darons, mais toi faut que tu le fasses. La rue c'est pas rôle, et ça faut que tu le saches. Y'a des meufs bien, et celles qu'on appelle des BH, elles te mettent bien, comme les trois barres d'Adidas, et te ramènent des problèmes. Comme une love dans Bandidas, traîne pas avec les bandits, reste pas au fond de la classe. L'école ne garantit pas la réussite, ça faut que tu le gardes à l'esprit. Ta couleur est ton handicap, tu ne seras jamais le bienvenu ici. Mais malgré cela, tu ne dois pas te limiter. La cité est une prison à barreaux, c'est à toi de l'essayer. Si, si, si, si, si. C'est une everyday, faut se débrouiller, tu connais. Les frères commencent à dérailler, sale tu connais. Police impôt, toi-même tu sais. Si tu veux ta Nemo, faut se lever tôt. Ok bon c'est comme ça, j'arrive ici et puis je remets ça comme d'habitude. J'arrive ici et puis les keufs nous mènent la vie rue. Toi-même tu sais pour la daronne, reste 10 ans sans pape. Un petit peu comme Al Capone. Ok bon c'est comme ça, c'est la Colombie. Toi-même tu sais, je débarque et chez nous y'a que des zombies. Donc faut choisir ton putain d'avenir. Toi-même tu sais, qu'est-ce qu'il y a que l'avenir. Quel putain d'épreuve, faut faire des preuves. Prépare-le sans que se font les liens. Ok bon c'est comme ça, ne reste pas en chien. Toi-même tu sais, c'est SL une FBD. Ça déraille, sale, tu connais. Yeah. Ah. On fait les jazz au calme, négro, casse pas les couilles. Si t'es pas là quand ça se tape, négro, fais pas le fou. D'où je viens, le haine parle mal, le légiste ramasse les douilles. La terre du 243 sous les semelles de mes Nike. J'marche pas d'air, pour un regard de travers, on peut se monter en l'air. On est des passes partout, ces négros passent à la fouille. Depuis 20 piges dans le rap, mais négro, tu bafouilles. Tu parles de rue, tu parles de flingue. T'es incompris qu'une mexicaine qui s'explique en chinois avec un accent de dingue. Tu parles de rue, tu parles de flingue. Ah, j'ai tellement de métaphores que je pourrais te causer un ulcère. Bref, un tramuros dans la place, pour te dire qu'on a la rage. Master loqué, fais-moi la passe, qu'on prouve qu'on gère la tâche. On n'est pas à la page, on compte le mettre à la nôtre. J'ai trop bu la tasse pour mes zinc, alors je trinque à la vôtre. Il prend grâce à la prod, et se compte au mic. Le chant est fait chez BLK, le résultat fait trop mal. Je le dédicace à Brazama aussi, mon petit mal. Tu devantes si je viens des îles. Ah, yeah, putain. C'est pour mes gars de Martinique, réunion là. C'est pour mes gars de Martinique, réunion là. Dans les couilles de la France, je fume mon père. Dans ma tête, c'est fusé, y'a des bombes, clap, clap, clash, rocket. Écoute-moi, putain de flow, j'ai des bombes, volé de solide, solide. Oh, Africa, Jamaica, oh, God, c'est ma terre. Oh, what de la Guyane, pour te sauter, grosse boule. Où sont les viages, on les fait, ça va les couilles. Fume, dis-moi, ça mal, fume ma weed, boy. Hey, bitch. Laissez-le toujours aller. Même si au final, présenté, présenté, et si vous laissez yo la capale. Au final, garçon va nous pépanter, pépanter, pépanter, un petit assiné. Tous les jours, garçon va nous pépanter, pépanter, pépanter, laissez yo man parler. Hey, hey. Oh, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, petit, pet ici et pas ailleurs. Me prends pas sur du classique, c'est. Tu calmes les deux, me prends pas sur du classique, c'est. Man, trop lourd. Écoute, c'est trop de sous, j'arrive ici et trop de relou. Non, écoute, j'arrive ici et puis ça y est, je fais de la place. Et qui est qui lâche. Ok, bon, c'est comme ça, j'arrive ici et puis je remets ça comme d'habitude. Non, désolé, je retombe sur mes pattes comme un putain de chat. Non, désolé, pas très face, on dirait le chat d'Iran. Non, désolé, pas d'Iranien dans les rangs. Toi, chiite ou bien sunnite. Non, désolé, pas de dissidence parmi les musulmans. Toi-même, tu sais, y'a qu'un dieu ici-bas. S'il y en a un qui dit le contraire, on se tutoie. Ok, bon, c'est pas grave, on se vouvoie. Tu veux faire le you-voix. Moi, je te jette du doigt, enfin, bref, tu le vois. Ok, check le cendrier, ma sœur, qu'est-ce qui se passe? Non, désolé, je suis en train de vriller dans la place. Je suis présent posé à Canal Sud comme d'habitude. Non, désolé, écoute, les keufs nous mènent la vie rude. Demande à ici combien de personnes. Mais là, là, là. Ok. Combien de personnes, y'a pas à dire. Attends, il faut pas insister. Quand on vient pas à l'heure, on laisse tomber. On laisse dire par les autres. Lentement, comme chez Fer. À l'autre. Allô, hallucinogène, c'est moi. Allah, c'est moi. Or forever you'll be down, man. Let me tell you, you got nothing to say, cause I got nothing to say. We're all equal in the disarray. We're never going down, we're always going up and away, man. We're always going down, forever, never striking down, forever. We are not to be. Y'a moyen de remettre ça à zéro? On the tree, man. Là c'est violent. Et c'est un instru, je n'ai pas besoin de violon. Ouais, là c'est violent. Sur l'instru, je n'ai pas besoin de violon. Ok, bon, c'est comme ça, la vie c'est un préface. Pose ici, si star, quand même tu sais dans la place. Ok, bon, c'est comme ça, c'était la photo. Vas-y, check photo, je vois que c'est Sénégal. Écoute sur ma mère, quand elle est arrivée, y'avait ta chale, faut se protéger. Si t'es pas content, je te teste dans la mer et j'ai. Ok, bon, c'est comme ça, c'est le freestyle. Toi-même tu sais, ici présent, y'a trop style. Je vois des gens posés, y'a des crêteux, déchaînus. Non, désolé, enfin, bref, déchaîné, issu comme un zoulou, bien. Comme un putain de zébu. Non, désolé, enfin, bref, désolé, j'ai bu. Ouais, on dirait que c'est le bordel. On dirait que c'est le why, c'est pas grave, pas d'Orel. Ok, bon, y'a pas d'Orelsan présent ici, là. Non, désolé, représente pour les gens présents dans le team en bas. Ceux qui traînent en team en bas. Et ceux qui travaillent surtout dans le team en bas. Ok, bon, c'est pas grave, ça dit face bizarre. Non, désolé, c'est le rap français qui est bizarre. Ok, bon, c'est pas grave, j'arrive ici et puis je remets ça. Et puis un putain de foule de ouf comme Messi au Barça. Je suis en train de zigzaguer, donc j'ai besoin d'un taxi. Si t'es mon pote, je suis en train de t'alpaguer. Donc reste assis, y'a pas besoin d'extase pour s'exciter. Toi-même, tu sais, y'a que des ex de la cité ou bien alors d'un truc qui y ressemble. Écoute, je suis présent, je suis conscient de tous mes membres. Toi-même, tu sais, y'en a qui montent le son. Je suis en train de mettre à bas, posé comme Booba l'ourson. Bien alors, c'est l'inverse. Désolé, y'a trop de cesse. Et puis y'a trop des SNCF, y'en a qui prennent trop de sous. Écoute, tu parles gras de sous, ni pique sous. Enfin bref, où y'a trop de grip sous. Trop d'impôts et puis trop de lispo. Désolé, j'arrive ici et puis je règle les blimpos. Ouais, ça pose un impro. Un truc salement, je t'écris un stew. One shot, on dirait mode vite sur le moment. Non, désolé, dédicace pour ma maman. En train de check avec mes potos, c'est ça, une putain de vibes. Toi-même, tu sais, y'a pas de vibes. Cartel, écoute du putain de son qui est en train de passer dans tes artères. Ça rentre dans les oreilles et puis aussi par l'appareil. Non, désolé, puis je rame et puis je te tape et puis je te donne l'appareil. J'ai pas besoin de ça pour te niquer. Non, désolé, y'a pas de grève, je suis toujours au piqué. Pourtant, Non désolé, écoute je prends du bon temps. Un petit peu comme toi quand tu connais les BD. Je suis en train de t'enchaîner quoi t'es débilé. J'ai un putain de crachat qui est coincé dans la bouche depuis tout à l'heure. Mais bon il ne veut pas sortir, tant mieux. Y'a le chronique est posé en face. Toi même tu sais mieux. Non c'est comme ça, faut que je m'arrête ici. Normal tu sais, je remets ça encore une fois. Comme d'hab pour ceux qui étaient là, bonne foi. Sur Canal Sud 92.9, Canal Sud.net. Bienvenue, c'est Nuisance, c'est bientôt fini les gars, alors faites-vous plaisir. Next. Please. Check the next on the list. Please. Je me suis réveillé sur un putain de bon pied. Mon dieu, je suis toujours posé sur mes deux pieds. Conscient que le diable est présent et qu'il nous a dupé. Non, écoute, c'est pas grave, toujours la poser. Une nouvelle vape que je suis en train de vous proposer. Avec le pote posé, je te tape pas d'exposer. En train de m'immiscer sur le MIC, rêve de l'exploser. Non, désolé, y'a pas de douceur, appelé la douceur. Bref, juste pour le moment, dédicace à Saska et puis aussi à ma. Dans mon quartier mal, j'y posé al, film du bon mal. Mal écoute l'état, nique le bondé, real rasta man. Dans mon quartier mal, j'y posé mal. J'y posé mal. Les nilons dans nous poser, nous chercher un dedans. Pas pour vivre, mon dans pour nous poser, nous. Au final, tu n'y en vie entre nous. Faut nous poser, nous. Trop longtemps, violence a jailli jusqu'à l'air. Et c'est nous qui a péri. J'y des jours. Savent qui j'en s'arrête. Ils savent qui j'en s'arrête. Posez-nous. Cherchez un dedans. Ou que vous ni la voix ni en fond dedans. Un bon esprit pour que ça avance à dans mon dent. Pas ni pour moi qui crépé, ça fait bout d'un pion. Et choisi caillon. Ennemi, même si au cartes, ça fait 100 millions. Ainsi la terre, même si au bonheur. Même si au bonheur, mais ni le temps pour nous déposer. Excusez-moi pour cette pause momentanée de l'antenne, c'est donc Al à l'antenne, donc elle est là pour vous annoncer que c'est encore un petit quart d'heure, 5-10 minutes, ça vous dit ça? Ouais, genre. Et donc on va partir sur ces instruments. Quelques minutes pour vous apprendre la chorégraphie. C'est pas compliqué, tu tournes 4 fois ta main au-dessus de ta tête et tu l'envoies sur la gauche. Ensuite 4 fois la main autour de ta tête et tu l'envoies sur la droite. Après c'est wave, wave, wave, wave, wave. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Bordel. Yeah. So let me see you round round to the left. No, no, no. Let me see you round round to the right. So let me see you wave, wave, wave, wave, wave, wave your hand in the air. Let me see you round round to the left. Let me see you round round to the right. So let me see you wave, wave, wave, wave, wave. M. M. G. G. G. The illest yeah. Twitter and Instagram. Allah. Is musical G. Hey. Okay. Friday night. Hell. Okay, baby. Yeah, baby. Okay, yeah. Je me rappelle quand tu me disais Tu m'aimais. Oh, bitch. Je crois pas. Je suis pas naïf. Je suis pas ton mec. Ouais, juste pour mes billets. Ouais, pas les couilles, pas les couilles. Ouais, ta meilleure pote, même si tu veux, je la baisse. Boy, Friday night, let's go. Hey, party's party boy. J'arrive en volley de boy, solid boy. Accompagné de trois biatchs. Ok, yeah. Dans la devoir, je vois mes ennemis. Oh, troisième boy. Oh, c'est des énergies. Rage, pas les couilles. Ok, 5h du mat, boy. Prends la bague, vas-y, avec les trois go, boy. J'ai les pièces, boy. Tranquille, bouteille de champagne, boy. T'inquiète, boy. Défoncé, cocaïne. Oui, roule, blunt, boy. Feuille, blunt. J'arrive comme ça, on vole, solide, solide, solide. C'est Friday night, boy. Ok. Rien à foutre de Paris à Marseille, je fais tout. Yeah, c'est Friday night, boy, je sais t'as mes démons. Ouais, le diable, boy, ma compagne, boy. Friday, Saturday night, avec mes gars, je boy, j'suis posé. Mes ennemis ne font que kiffer. Ok, oh, c'est des rageux, pas les couilles. J'suis l'homme de valeur, l'homme de l'honneur. Oh, tu me vois, tu kiffes. Ok, pas le choix, faut que j'ai du bif. J'ai du bif, ok, tranquille, t'inquiète, c'est des daylights. Je te mets bien, on se met bien, on est trop loin. Hey, film ton jeu, je trouve long, gros jeu royal. Kaya, bien, bien, je suis trop radical. Bitch, oh, yeah, bitch, oh. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, Friday night, hey, Friday. To me, baby, I don't give a fuck, baby. Just I drew money. Yeah, yes, baby. Say love me, baby. I don't give a fuck, baby. Oh, baby, you're my baby. Baby, yeah. Woo. Yeah. Yeah. Oh, oh, oh, FF, you mean. Sur ton gros joint, je me sens trop loin. Sur l'instru, me fait trop mal à la tête, boy. Ouais, baby, c'est Friday night. J'suis pas clean, garçon, mets du glaçon dans mon whisky. Yeah, je me promène avec mes trois biatchs. Goûter de Jack, les ennemis ne font que kiffer. Oh, baby. Depuis je pique, rue. Et ces modes qui font perdre la tête et le nord. Je rentre tard le soir, ne faisais pas mes devoirs. Toutes ces larmes, tous les jours, je refusais de les voir. Maman, je suis pas ce gosse que tu rêvais d'avoir. Les conneries sont ramenées au parloir pour me justifier. J'ai souffert de l'absence de papa, mais j'aurais dû se protéger. Pendant qu'il n'était pas là, il n'était pas là. T'as dû assumer son rôle, même sans argent. T'assurer le contrôle, il n'était pas là. Alors t'as dû assumer son rôle, même sans argent. T'assurer le contrôle dans mes Nike troué. J'étais pas dans mes baskets, mais je voulais surtout pas marcher avec des claquettes. Alors dans le vol, j'excelle. Entraînant avec notre délit qui est venu aussi accès. Dans le vol, j'excelle. Ah. Yeah. Ça, pas pour chanter hélicoptère, mais pour un lyrical braquage. Et je veux voir tout le monde à terre. Baby, baby, baby. Fuck baby, yeah. Fuck baby, no baby. Let go, je parle à ces fils de pute, ouais. À ce qui paraît, c'est le gouvernement. Je sais pas quoi, force en l'an, je te mets à la monde. Pas le code de l'état, ils veulent tous nous baiser. Merde, hey, let go. Yeah. Je viens de Kinshasa, pas pour, pour chanter hélicoptère, mais pour un lyrical braquage. Et je veux voir tout le monde à terre. Un mic en guise de bloc, l'industrie en guise de banque. Et je retourne m'isoler dans ma banquise. Les rappeurs sont atteints par le syndrome de B2OB. Ils se veulent tous gangsters, alors ils racontent ce qu'ils font jamais. Moi je rappe pour les miens, toi tu rappes pour rien. Et je rappe pour de vrai, tu rappes en levrette. Comme si pour entrer dans ce biz, fallait se la prendre dans le huc. Je rappe ma vie pendant que tu rêves de celle du duc. Je viens réclamer mon dû. C'est pas Kemi, et je sais que le combat continue. Comme l'a dit James Kerry, je rappe ma vie ainsi que celle de mes proches. Je viens à pied, je ne repartirai pas en Porsche. Mon rap ne passera pas sur M6. Sur ce beat, tu vomis trop de vérité. Tu peux m'appeler le dernier MC. Yeah, ok, ouais, yeah, yeah. Mon rap étant trop viril, les conséquences, manque de jitter, peu exposé sur les ondes. Mon rap essaie de foutre et qui te gronde, plus choquant que la foutre sur une blonde. Mon rap étant foutre de tonne, se foutre du monde. Sûr de lui mais sûr de rien, mon rap te choque et t'étonne. Ramballe tes gommes sur Facebook ou Dailymotion. Mon rap te conne, je mets la gomme, les jaloux me veulent à terre. Je vais faire taire sur du long terme, sans commentaire. Sans commandeur, je deviendrai une légende, sans commentaire. Et si ça devait se faire, ça serait sur ma kill. Six pieds sous terre, je pourrais enfin dire que je suis dans mon terre, terre. Mais je suis encore hal, alors je garde ma détermination. J'aspire à l'ascension, je serai pas censuré. Mais faut que j'apprenne à être sensuel avec Switzer. Grâce à elle, j'ai my fucking sweet life. Ouais, hey. Bienvenue en 2014. Hardcore et dark, comme stapé contre Vanga Corse. Y'a de l'or et du bronze, des roses et des ronces. Soit tu dors, soit tu fonces. Et si tu fais des profits, vaut mieux que t'en profites avant que ça t'horrifie. Si t'as pète, on pète les orifices. Et si c'est une belle fille, vaut mieux pas que tu t'y fies. Si t'as un peu à gauche, il faut que ça fructifie. Et si un jour je te fauche, il faut que ça se justifie. Je veux que sur mon son, les gens se réunifient pour sa fausse son. Ah. Faut mon saut mordant, ta chaîne y fuit. Mais hier j'ai rêvé que mon équipe c'était six frères. Aujourd'hui qui me parle dans l'oreille c'est Lucifer. C'est malade normal, présent hal dans ce monde. Normal en mode paranormal. Quoi, qu'est-ce qui se passe présent avec tout. J'rappe tout, graille tout, enfin bref. Non désolé ma vie c'est quoi une peinture presque. C'est une fresque. Non désolé j'arrive ici c'est la langue de Molière. J'ai appris à manier les mots et ça date pas d'hier. Yeah, yeah, yeah. Ok, ok, s'il existe une machine à remonter le temps, je serai le premier à y voyager, à réparer toutes les erreurs du passé. Mais c'est fait comme ça, c'est vrai, c'est écrit. Ouais, ouais, ouais, fuck Hitler, putain, qu'est-ce que tu me parles. Deuxième guerre mondiale, toutes les erreurs du passé. Oh, pourquoi je suis né au 20e siècle, je vis dans le 20e siècle, c'est la fin, boy. Ok, je vois mon avenir dans un trou, oh putain, oh. C'est la fin. Là, c'est la dernière instru, mon frère. Quoi, celle qui vient de passer là? Non, celle-là. Ok. J'ai raté quelque chose et bon, bah je vous dis. Hein. C'est la dernière instru ou pas? Ouais, c'est celle-là. Ok. Elle fait péter un truc de ouf. Hein. Je sais pas, c'est au pif, mec. Street Empire. We legendary. We legendary. Ok. Hey. Yeah. Toi-même, tu sais, on est là. Yeah. Sanji Scarface. Je vois les Konzo. Ok. Yeah. Okay. Trop cassé au Suriname, trop de gens pourris dans Paname. Je lâche ma capitale ainsi que le Capitole. Ok, bon, c'est comme ça, je prends mon pactole, je m'arrache. Non, c'est comme ça, je garde la gouache, trop de panache. On est posé, c'est Scarface, présent dans la place. Y'a du ACE, c'est le Ace aussi. Non, désolé, j'arrive ici, je mets un putain de but du gauche comme Messi. C'est Multiage Benchline, je vois les frères poser. Une nouvelle vibe, ce qu'on est venu vous proposer, faut enregistrer ça, c'est posé, c'est one shot. Toi-même tu sais, une putain de fou, c'est ma hard eye. Yeah. Ok, ok, yeah. Bon lancement, let's go boy. Bon lancement, let's go boy. Je vais tous les détruire, c'est DJ du rock. Yeah, je vais tous les perdre. Sur l'instru, je rapporte quand je baisse la France. Pas les couilles de la France, moi j'ai fait juste des billets. Pas les couilles, avec ma putain de flow. Je te nique, ta mère, sa chaîne. C'est la fin, faut pas me chercher, boy. Déconner. Dans ta putain de gueule, 3000 punchlines. C'est fait pour, c'est du lourd, c'est détail. Je dis K, 221 mots de racaille. G, G, G. The illest Twitter and Instagram. It's music. Canadien.net, au téléphone le 05 61 53 36 95, le site le www.canalsud.net. Vous êtes les malvenus parce que c'est nuisance, c'est comme ça, dans nuisance, on est tous des malvenus. Merci, voilà, merci, voilà, ouais. Un petit au revoir pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui kiffent le rap, boy. Faut juste nous encourager, fuck les haineux. Ouais, faut pas les écouter, non. N'écoute pas les gens qui parlent, oh. Faut juste tracer ta route, oh. Croire à ton destin. On va tous réussir, Inch'Allah. T'inquiète, la vie, c'est fait. Pour tous les galères, c'est pour mes frères qui courent, qui ont tout. Écoutez-moi, les gars. On va tous s'en sortir. Canal Sud, 9.2. Thank you every day. Thank you every day. Yeah, thank you every day. Bon, j'ai à négocier une petite dernière. Bien comme il faut. Bon, je crois qu'ici là, tout le monde connaît le son de Puff Daddy là. Hello, good morning. Clic, clic, clic, clic, ça fait clic. Oh, clic, clic. Ok, ça fait clic, clic, bang, bang, killer. I'm a young, fresh killer. Ok, écoute-moi, putain, the flow boy. Sous les que je te dis, je peux faire clic. Et non, je les écoute pas, je trace ma route, boy. Où sont les haineux, je les baisse pour les conquérir. Écoutez-moi, ma putain de flowboy. C'est qui d'un qui vous dit que y'a 220 y'a moins de ragaille. J'arrive, je m'aime, je m'aime, je t'aime, je bim, je te dose, je bim, ta putain de consommité. Pour me faire des billets, pour faire des billets. Moi, les couilles de l'état des clubs, c'est du bon, tu prends de bonnes équipes, tu fais des grands bons chats. La BTP pour les deux glides. Ok, I'm a motherfucking young fresh killer. Bitch, we're still a fucking bitch. We're still a fucking bitch. freestyle, on est là comme d'habitude. Toi-même tu sais, les keufs nous mènent la vie rude. Ok bon c'est comme ça, je remets ça. Ok bon c'est comme ça, un putain de message. Je vois des gens posés en mode section basso, non désolé, en mode section fléau. J'arrive ici et puis comme d'hab, je mets ça salement. On me dira ça hard comme la bataille. Hey, si je repars à zéro, y'a trop de faux héros, trop de pute sous zéro et puis trop de faux frérots. Je repars à zéro, y'a trop de faux héros, trop de pute sous zéro et puis trop de faux frérots. Je repars à zéro, y'a trop de faux frérots, trop de pute sous zéro et puis trop de faux frérots. C'est dégueulé. Du coup, c'est tout, mets-toi à bouder. Vous êtes mort. Donc des vies abrégées comme le mouton se fait buter par les vergers. T'es assiégé, tu fais de ton siège. J'ai plus qu'à faire plonger dans la mer. Comme d'habitude, c'est un terrain miné. Toi-même, tu sais, présent sur le terre, prêt pour déterminer. Y'a pas de peuple d'habit ici, va. Y'a tout ce qu'a fait, c'est moi, Sonji. Toi-même, tu sais, ça sonne ici. Présent, c'est Canal Sud. La vie est riche, c'est le coup de bois. Il faut que l'on vit. Bois de nous, comme tu sais, ici, y'a trop de zombies. C'est aïe. Toi-même, tu sais, y'a pas de rail. Merci à tout le monde, merci aux invités, merci à Canal Sud, merci à Nuisance. Bonne soirée. Yeah.